إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المستمعون الكرام نحمد الله سبحانه وتعالى qui en ce 15e jour de Sha'ban de ce mois Mubarak nous permet de se réunir autour de l'étude de ce noble livret qui est Hisnu al-Mu'min. Ayyuha al-Ikhwa, il nous incombe au préalable, avant d'ouvrir les premiers feuillets de ce livre, de cet épître, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de cet énorme bienfait qui le fait de s'asseoir, de se réunir en Allah subhanahu wa ta'ala. Par amour pour Allah azza wa jal, dans l'obéissance en Allah subhanahu wa ta'ala, dans les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime et il agrée. Allah azza wa jal nous a recommandé fortement dans son livre, fi kitabihi al-karim, d'accourir aux assises dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala est adoré et que son nom y est mentionné. قال سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. في هذه الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى أقدم son messager علي صلى الله عليه وسلم et ceux qui le suivent et ceux qui l'ont suivi de faire preuve de patience en restant en fréquentant ceux qui se dévouent à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. Fais preuve de patience avec ceux qui adorent Allah azza wa jal. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح rapporté par l'imam Abu Dawud فقال صلوات الله وسلامه عليه لا تصاحب إلا مؤمنة. Ne fréquente que les croyants. Car dans la fréquentation des croyants, il y a un profit pour nous. Et il y a un bien dans toute son intégralité. Comme a dit le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith al-muttafiq alayhi, « Mathalu al-jalis al-salih, wa jalis al-su, ki hamil al-misk, wa nafikh al-kir. » Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il évoque une parabole entre la bonne et la mauvaise fréquentation. Il dit la bonne fréquentation est semblable à Hamil al-Misk, celui qui vend le parfum. Et la mauvaise fréquentation, elle est semblable à au forgeron. قال فحامل المسك إما أن يحذيك. Soit, il va t'en donner du misk. Il va te faire un don, un cadeau. قال وإما أن تبتع منه. Si ce n'est pas le cas, tu vas profiter de lui car tu vas en acheter. قال وإما أن تجد منه ريحا طيبة. Ou tu vas profiter de la bonne odeur qui émane de cette personne-là. قال ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. Quant au forgeron, et كذلك à la mauvaise fréquentation, يعني tu verras que du néfaste, soit il te brûle tes vêtements, ou soit tu vas sentir l'odeur nauséabonde qui émane de cette personne-là. Le fait de fréquenter les assises de rappel, comme on peut le voir, c'est un avantage pour nous. Et un profit qui est énorme pour nous tous. Bal Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire son amour à toute personne s'étant réunie en sa cause. Fillahi azza wa jal. Comme dans le hadith al-Qudsi, الذي رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره قال قال سبحانه وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبازلين فيا. الله عز وجل dans ce hadith قدسي nous informe qu'il a rendu obligatoire son amour pour toute personne s'étant aimée pour Allah عز وجل. Et pour toute personne s'étant fréquentée pour Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui se sont réunis pour Allah azza wa jal, pour toute personne qui se sont visitées dans la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour toute personne qui se sont entraînées, li wajhillah subhanahu wa ta'ala, wajabat mahabbati. Et qui te dira quels sont les fruits qui en découlent de cet amour qu'Allah azza wa jal rend obligatoire à ces catégories de personnes, ceux qui s'aiment en Allah, ceux qui s'assoient se réunir pour Allah, ceux qui se visitent pour Allah Azza wa Jal, et ceux qui s'entraident dans la cause, يعني pour l'amour d'Allah, dans l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Dans le hadith al-akhar, قال سبحانه وتعالى ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَادَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Hadith azim. Qui nous montre les fruits de la mahabba qu'Allah Azza wa Jal a rendu obligatoire à ceux qui s'assoient pour la cause d'Allah Azza wa Jal. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous compte du nombre de ceux qui s'assoient pour sa cause. Car il en découle un profit qui est énorme. Qui est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Et ça c'est le ghaïa, c'est le but. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Laisse الشان أنك تحب الله. اليهود والنصارى ادعوا محبة الله. Ils ont prétendu l'amour d'Allah عز وجل. لكن الله سبحانه وتعالى les déteste. الشان كل الشان أن الله سبحانه وتعالى يحبك. Si jamais Allah عز وجل t'aime, كما في الحديث قال كنت سمعه الذي يسمع به. Je serai son oui. وبصره الذي يبصر به. Je serai sa vue. ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. Allah Azza wa Jal va lui donner un tawfiq. C'est ça le sens de ce hadith-là. Qu'Allah subhanahu il ne va pas diriger son regard dans une chose en dehors de l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Il ne va pas diriger, ou plutôt tendre son oreille vers une chose en dehors de l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Il ne va pas se diriger vers un endroit, vers un lieu, excepté que ceci soit dans l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Il ne va pas tendre sa main, utiliser ses membres, que dans l'agrément d'Allah Azza wa Jal. C'est celui que Allah Azza wa Jal a rendu sur lui obligatoire son amour, il lui donne son tawfiq. Et cela passe par le fait de s'asseoir fi Allah Azza wa Jal. Min al-fada'il al-azima, qu'on se doit de se rappeler, parce qu'Allah Azza wa Jal nous dit, اذكروا نعمة الله عليكم. Rappelez-vous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Et on se doit de se rappeler ce genre de profit, ce genre de privilège qu'Allah Azza wa Jal a mis dans ce même genre d'assise dont on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et agrée. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه قال إن الله تبارك وتعالى أو plutôt إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة. Allah Azza wa Jal a des anges qui voguent, qui se déplacent يعني. قال يتتبعون مجالس الذكر, à la recherche des assises dans lesquelles le rappel il est observé. قال فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم. Et ça c'est عظيم جدا. Si jamais ils trouvent une assise dans laquelle le dhikr il est observé, les malaïka ils s'assoient avec eux. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. Ça, ça nous montre l'importance de s'asseoir في الله عز وجل. الملائكة الذي قال سبحانه وتعالى فيهم لا يحصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ils s'assoient avec ces personnes qui évoquent Allah عز وجل, qui évoquent son rappel, sa révélation, qui évoquent la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. كل ذلك c'est الدين. كل ذلك c'est le rappel. Le dîn, c'est le rappel. فالملائكة ils s'assoient. Ahlul dunya, ils sont prêts à vendre père et mère pour s'asseoir, non, pour qu'ils s'assoient avec les présidents et les autres personnes de la vie d'ici-bas. Tandis que toi, tu fais le rappel d'Allah et c'est les malaïkas qui viennent vers toi. Ceux qui ne désobéissent pas à Allah Azza wa Jal et font ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur demande. Faza hadim jiddan, ça montre le fadl, le mérite de s'asseoir fi Allah Azza wa Jal. Al malaïkatul karam tajlis. تقعد معك. قال وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم. Et les entourent par leurs ailes. حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. Jusqu'à remplir l'espace qui est entre la terre et les ciels. قال فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. Et lorsque l'assise est finie, ils remontent vers les cieux. قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم. Allah عز وجل les questionne. Malgré qu'il est, il sait, il connaît mieux les réponses. قال من أين جئتم؟ الله عز وجل leur demande, أو ملائكة, d'où venez-vous؟ فيقولون جئنا من عندي عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. On vient de quitter une assise où on a vu certains de tes serviteurs qui faisaient le tasbih, qui faisaient le takbir, qui faisaient le tahlil, la ilaha illallah, qui te louaient et qui te demandait ta faveur. قال ماذا يسألوني. Et qu'est-ce qu'il demande? قال يسألونك الجنة. C'est-à-dire soit il le demande directement, comme c'est le cas, نسأل الله عز وجل لنا ولكم الجنة, ou يعني à travers les œuvres qu'ils font. Les membres, كذلك ils parlent, ils œuvrent afin de chercher الجنة. هذا كذلك نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الإخلاص, ceux qui recherchent à travers ces assises le paradis, l'agrément d'Allah Azza wa Jal. يسألونك الجنة, ils demandent le Jannah. قال هل رأوا جنتي, est-ce qu'ils ont vu le Jannah, ou est-ce qu'ils ont vu mon paradis? قالوا لا, يا رب, et ils jurent par Allah, non, ils ne l'ont pas encore vu. قالوا كيف لو رأوا جنتي, que dire si jamais ils auraient vu mon paradis? قال سطال الملائكة لكانوا أشد رغبة, ils auraient beaucoup plus de désir dans cela. قالوا ويستجيرونك, ils te demandent le refuge. كذلك, on demande à Allah Azza wa Jal al-Jannah wa nasta'udhu bih min an-nar. كذلك, nos membres, à travers les œuvres qu'on fait, on recherche le refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre sa colère, contre son châtiment, contre sa punition, contre l'enfer. قال ويستجيرونك, ils demandent le refuge auprès de toi. قال ومما يستجيرونني, ils demandent le refuge de quoi? قال من نارك يا رب, de ton enfer يا رب. قال هل رأوا الناري, قال لا. قال كيف لو رأوا النار قالوا كانوا أشد تجنبا, ils auraient plus de, ils auraient fait tout l'asbab pour s'en écarter, beaucoup plus. قالوا ويستغفرونك, ils demandent le pardon. قالوا فيقول قد غفرت لهم واعطيتهم ما سألوا. Allah عز وجل dit, je les ai certes pardonnés et je leur donne tout ce qu'ils demandent. وأجرتهم مما استجاروا, et je leur donne le refuge contre les choses vers lesquelles ils se refugent. قال فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء, une personne qui fait des péchés, ou يفهم من ذلك qui est constant dans les péchés, لا يتوب خطاء يعني كثير الخطاء. قال إنما مر فجلس معهم, il avait aucune intention de s'asseoir avec ces personnes là, لكن il a vu un groupe faire le dhikr, il s'est assis avec eux. قال فيقول الله عز وجل وله غفرت, et كذلك celui-là je lui pardonne. قال هم القوم لا يشقى بهم جلسهم, ce sont les gens dont plutôt ceux qui les fréquentent ne seront pas attristés. Ça c'est la faveur d'Allah عز وجل à travers ces assises auxquelles on demande qu'elles correspondent à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne. Allah عز وجل leur donne ce qu'ils demandent. Allah Azza wa Jal leur donne le refuge des choses qu'ils ont peur. Allah subhanahu wa ta'ala leur donne le tawfiq. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم كما قال جل وعلا. سواء كان الدعاء عبادة أو دعاء مسألة. Patiente avec ces personnes-là qui se dévouent à l'adoration d'Allah et Azza wa Jal. Que ce soit par l'adoration par les membres ou l'adoration par as-su'al, la demande. كما قال الإمام العثيمين رحمه الله بمعنى واصبر نفسك مع المتقين. Patiente avec les pieux. Patiente avec ceux qui sont sur l'istiqama. Patiente avec ceux qui donnent de, qui s'adonnent à l'adoration. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق لا تصاحب إلا مؤمنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. Patiente. Recherche les assises dans lesquelles tu vas trouver les personnes à travers lesquelles tu vas trouver un profit, un avantage et des privilèges. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. Nuit et jour. بالغداة والعشي. Ce qui évolue ici, c'est nuit et jour. الغداة c'est أول النهار. والعشي c'est ما بعد الزوال. بعد الزوال الشمس. يعني après الظهر. إلى المغرب. هذا يسمى وقت العشي. طب الآن ليس المراد بذلك c'est les personnes qui adorent Allah عز وجل la journée et qui le désobéient la nuit. المراد بذلك ceux qui ont une assiduité dans l'adoration. كما قال الإمام الألوسي رحمه الله تعالى وغيره. إي الذي رحمه الله قال خص بالذكر لأنهما محل الغفلة والاشتغال بالأمور. لكن الله سبحانه وتعالى a particularisé ces deux moments-là, أول النهار, le début de la journée et la fin de la journée, car dans ces moments-là, l'étourderie elle est beaucoup plus observée et les gens sont beaucoup plus préoccupés aux affaires mondaines. Enfin, celui qui, dans ces moments où la plupart des gens sont étourdis, sont insouciants, oublient, sont préoccupés, et que tu vois ces personnes-là adorer Allah et Azza wa Jal, c'est un signe qui te dit il faut fréquenter ce genre de personnes-là. Parce que ces personnes-là ne sont pas dans l'étourdissement, ne sont pas dans, dans la rafla, ils ne sont pas dans l'oubli, ils sont tout le temps dans le rappel. Ils sont tout le temps dans le rappel. Et Allah Azza wa Jal nous a créés pour cela. Ya ayyuha alladhina amanu dhkuru Allaha dhikran kathiran. Pas un peu. Kathiran jiddan. Et ça, ça demande un effort sur soi-même, mais kadhalika de prendre l'asbab qui vont te permettre de pouvoir être assidu au rappel d'Allah et Azza wa Jal. Et parmi cela, le fait de s'asseoir avec les personnes qui s'évertuent à se rappeler d'Allah et Azza wa Jal et à le mentionner. قال جل وعلا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Et que la prunelle de tes yeux ne se détourne pas de ce genre de personnes-là, tout en privilégiant une chose parmi celles de la vie d'ici-bas. Fahada, ça nous montre que l'insan, il se doit de se cramponner à ses assises dans lesquelles il va retrouver du profit. Il se doit de fréquenter régulièrement les personnes qui seront un sabab dans sa ziyada dans l'iman, qui vont lui rapporter un profit et de l'ajout dans sa foi. Wa qala hahuna al-shaykh al-Usaymi rahimahullah ta'ala qala law anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faraqahum li maslahati diniyah fa hal yadkhul hadha fi an-nahy am la. Est-ce que al-an si jamais tu trouves c'est une faida janibiyya que nous apporte l'imam al-shaykh al-Usaymi rahimahullah, il dit dans cette aya là on est amené à se poser une question. Si jamais, مثلا, le prophète était amené à quitter ces personnes-là, lakin pour une maslaha qui est diniya. مثلا, il entend que certaines personnes ont besoin d'un sulh, de réconciliation. Il était avec ces personnes-là qui fait le rappel, lakin réconcilier c'est beaucoup plus important. Enfin, il les a quittés afin de s'adonner à une chose qui est beaucoup plus importante. فهذا يعني, ça ne rentre pas dans cette interdiction-là, parce qu'il a dit wala ta'du. Et ne quitte pas ces gens-là. Comme on a pu le voir, la tusahib illa mu'mina. Ne fréquente pas les gens de la dunya parce qu'ils vont te faire oublier l'akhirah. Lakin qala huwa rahimahullah qala inna man nahi an tatruka ahl al-khayr ad-dunya la li maslahati diniyya. Il dit l'interdiction est liée au fait que tu délaisses les gens du khayr, les gens de bien, les gens de mérite pour une maslaha, pour un avantage, un privilège qui est mondain. Donc ça nous montre que lorsqu'on n'a pas de nécessité à s'adonner à une chose parmi la vie d'ici-bas, et qu'on entend, مثلاً, il y a un dars, et qu'on entend, مثلاً, qu'il y a un rappel, qu'il y a une conférence, qu'il y a, يعني, une assise de science ou bien de rappel, on se doit de privilégier et de faire prépondérer les assises de rappel. imtithalan, en se conformant à cette ayah-là. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Pourquoi? Parce que c'est une maslaha fi dhalika. Yani c'est pas, yani de force qu'on te dit. Parce qu'il y a une maslaha laka. Tu vas te rajouter en comportement et en iman et en foi. Enfin, ça nous pousse à s'accrocher aux assises et à faire des efforts à demander, à se renseigner quand est-ce qu'il y aura un cours, quand est-ce qu'il y aura ceci, cela, il y en a tous les assises dans lesquelles tu vois qu'il y a un profit pour toi, il faut s'y cramponner. Excepté si jamais une de ces affaires de la vie d'ici-bas, c'est la bout d'amine. Il n'y a pas d'échappatoire autre que la farce que pour aller, maintenant, travailler, elle a besoin, ou yani, sa mère elle a besoin de choses, les courses et tout ça, et l'akhiré. C'est si jamais c'est une chose parmi les affaires mondaines qui ne sont pas yani, de nécessité, il se doit de se cramponner. Il a été créé pour l'ibada. Il a été créé pour l'ibada, donc à s'adonner à l'ibada et kadhalika à s'adonner aux assises dans lesquelles il va adorer Allah et Azza wa Jal. Man wuffaqa li dhalik, les assises à travers les bienfaits, les mérites qu'on a pu citer, on se doit de remercier Allah et Azza wa Jal. Nos langues, nos corps, nos cœurs se doivent de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui a été privilégié et qui est assis à ces heures d'assises, à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui prive pas de cette chose-là. Plus tu es reconnaissant et plus Allah Azza wa Jal te rajoute en affirmissant et te rajoute en ni'ma. On se doit de remercier Allah Azza wa Jal de cette ni'ma qui est observée chez les gens de la sunna, le fait de s'asseoir fil Allah Azza wa Jal afin de s'éduquer et d'apprendre. Ayyuha al-ahibba, le dhikr, le rappel qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime et l'agrée et qu'il bénit n'est pas le simple fait de multiplier les invocations sans même comprendre leur sens ou d'ignorer leur mérite. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans la religion l'apprentissage et la compréhension du din. Kazalik al-afkar, ça fait partie du din. Kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. وطلب العلم واجب على كل محتلم حديث فيه ضعف لكن اتفق العلماء على ذلك que l'apprentissage et la compréhension de la religion c'est une chose qui est obligatoire. فالذكر ça fait partie du din, donc on se doit d'avoir une compréhension qui est conforme à l'islam. C'est pas le simple fait de dire la ilaha illallah faqat, on se doit de comprendre qu'est-ce que la ilaha illallah ou qu'est-ce que le rappel. On se doit de le mettre en application et كذلك d'appeler les gens, ça c'est le rappel. Celui qui est dans une compréhension de ce qu'il est en train de mentionner, de dire, il est plus à même que cela soit agréé auprès d'Allah. Et cela est plus à même à ce que cette personne-là, il observe l'assiduité dans le dhikr, al-mudawama. Celui qui comprend ce qu'il dit, il connaît les vertus qui en découlent de cela, il va s'accrocher à cette chose-là. Donc on se doit de comprendre et de connaître les mérites. À l'inverse de celui qui ne comprend pas, il ne comprend pas ce qu'il mentionne, ce qu'il dit, à tout moment, il peut interrompre le dhikr. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas. Ces mots sont synonymes de comme patate, tomate. Il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Fafi, l'haqiqa, à un moment, il va peut-être lâcher. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas. La yatafaqqafi. Ou il ignore les mérites et les vertus qu'il y a dans le dhikr. Et ça, c'est plus à même à ce que cette personne-là ne s'adonne pas au dhikr carrément ou bien qui relâche. Enfin, connaître les vertus et surtout comprendre ce que tu dis, ça, c'est important. Afin de pouvoir mettre en application et avoir le sabbat. Que tu sois assidu à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala jalla wa ala. Ya yuha lazina manuzkurullaha dhikran kathira. Allah azza wa jal agrée et aime de son serviteur qu'il soit assidu dans l'adoration. Kadhalika dans le rappel. Kama qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fil hadith al-sahih. Qala wa kana habbul amal ilayhi ma dawama alayhi sahibuhu wa lawqal. Les œuvres les plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal ne sont pas celles qui sont faites par multitude, là qui n'y a pas d'assiduité. Un jour, deux jours, trois jours, il évoque Allah Azza wa Jal, wassana kamila, lisanuhu yabisa. Sa langue, elle est sèche. Pas de rappel, et ses membres, kadhalika, sont secs. Allah Azza wa Jal, il aime l'œuvre dans laquelle l'assiduité, elle est observée. Kana habbul hamal ilayhi, ma dawama alayhi sahibuhu wa luqal. Même si jamais c'est peu. Lakin il observe l'assiduité. Allah Azza wa Jal, il met la baraka. Yuhib hada. C'est parmi les œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Et ça passe par le fait du tafaqquh. Yani fi dhikr, d'avoir la bonne compréhension, comme on a dit, afin de pouvoir être assidu كذلك connaître les vertus afin inshallah de se cramponner au ajr, au mérite, aux récompenses qu'il y a à travers le rappel, qui sont énormes. Jiddan. C'est pour ça que j'ai jugé bon que inshallah tabarak wa ta'ala on ouvre un cours dans ce livre dont la plupart des musulmans ont dans la poche, ont dans leur téléphone, mais peut-être qu'il y en a qui n'ont pas la compréhension dans les esprits et dans les cœurs. Donc afin de que la faïda tatim elle soit parachevée, on se doit de comprendre ce dhikr-là. Donc j'ai vu que inshallah ta'awunan 'ala al-khair wa kadhalika ziyadatan li fil ma'rifa dans le din, d'ouvrir ce genre d'assises afin de se conformer le mieux possible à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, qui est de l'évoquer énormément. Ya ayyuha allazina amanu uzkurullah dhikran kathiran bil lisan bil qalb, avec assiduité. Avant de commencer inshallah tabaraka wa ta'ala, on se doit d'évoquer certaines choses qui sont importantes. Al-adab wa shurut yani fi al-dhikr. Al-dhikr wa ad-du'a font partie des ibadah, bal ad-du'a kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala huwa al-ibadah. La du'a c'est la ibadah. La du'a c'est la ibadah, car toute ibadah est basée sur du'a. Toute ibadah est basée sur ad-du'a. Fa la di shurut. Ma min ibadah illa wa laha shurut. Wa min tilka shurut wa hiya la takhfa alaykum al-ikhlas. Lakin c'est bien de se rappeler. Et c'est important de se le rappeler. Da'watun Nabi sallallahu alayhi wa sallam min awwaliha ila akhiriha, c'était sur le rappel du tawhid et la sincérité dans la religion. Mais hatta certains des ulama ils ont dit innamal a'malu bin niyyat, ils rentrent dans tous les abwab du fiqh. Pourquoi? Parce que tu as besoin de te rappeler que cette œuvre là doit être vouée pour Allah azza wa jal. Fa al-ikhlas, ce rappel là on n'en fera jamais assez. Il te suffit de comprendre la parole d'Ibrahim. وَجُنُوبَنِي وَبَنِي أَنْ أَعْبُدَ الْأَصْنَمِ. Préserve-moi ainsi que ma descendance d'adorer l'asnam. C'est qui a dit ça? C'est Ibrahim. أَبُوْ الْأَنْبِيَا مَعْصُومْ عَنِ الْكَبَائِرِ مَعْصُومْ عَنِ الذُّنُوبِ مَعْصُومْ عَنِ الشِّرْكِ. Malgré cela, il avait peur. Il demanda à Allah Azza wa Jal qu'il le préserve de tomber dans le shirk ainsi que sa descendance. Donc que dire de nous? كَمَا قَالَ الْإِمَامِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِ فَمَنْ يَأْمَنَ الْبَلَا بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ. Qui peut prétendre ne pas avoir peur du shirk après ce qu'a dit Ibrahim? فَالْإِخْلَاصْ هَذَا وَاجِبْ هَذَا لَبُدَّ مِنْ مَنْ ذَكَرَ اللَّهِ عَزَ وَجَلْ رِيَاءً par ostentation لَا يَنْفَعُ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِ تَرَكْتُهُ وَشَرْكَ. Celui qui observe l'ostentation dans son adoration, qui est طَلَبَ الدُّنْيَا بِالْعِبَادَ, tu recherches à travers cette ibada وَلْعِيَذُ بِاللَّهِ une part de la vichiba. Al-madh, le compliment, qu'on dise du bien sur toi, afin qu'on dise Masha'Allah, yani cette personne-là, il mentionne Allah, kathiran. Tu ne recherches pas Allah, azawajal, lakin le compliment. وَلْعِيَذُ بِاللَّهِ وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ أَبَاءً مَنْثُورًا. Tout cela, c'est dans le vent. فَالْإِخْلَاصُ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَوَجَلْ لَا بُدَّ مِنْ. Et ça, il faut faire attention. دَائِمًا الْإِنسَانُ يَذْكُرُ اللَّهَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. كذلك النعم من الشروط وهي معروفة المتابعة. الذكر هو عبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلابد من المتابعة. وقال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Celui qui aime Allah et qui aime se rappeler d'Allah, qui aime mentionner le nom d'Allah, il se doit de le faire conformément au suivi du prophète sallallahu alayhi. Al-mutaba'a fi dhikr nou'an. Il y en a une qui est wajiba, comme le fait de dire Allahu Akbar dans la prière. Tu ne peux pas venir et dire Allahu Ajal, Allahu A'zam, Allahu Akbar wa A'zam. Tu viens et tu inventes des choses. Ta salat elle est batila. T'as des choses dont on est obligé dans l'évocation, dans le dhikr, de suivre le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des choses dont c'est mustahab ta'kidan haziman. Et ça c'est dans le dhikr qui est mutlaq. Al-imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il évoque une parole qui nous permet de bien comprendre, de cerner le suivi dans le dhikr. Al-mutaba'a fi dhikr. On va la lire inshallah la parole qui est dans Majmou' al-Fatawa. Le 22e Mujallad, le volume 22, la page 510. Et après la page 510. c'est une parole qui est un peu longue, lakin, qui est maliya bil fawaid bi ashiya allati la budda min dhikriha. On se doit de se rappeler ces paroles là. Qala rahimahullah ta'ala qala la rayb anna al askar wa da'awat min afdal al ibadat. Il dit, il n'y a pas de doute que les askar, les da'awat et les du'a font partie des meilleurs ibadat, des adorations. Qala wal ibadat mabnaha ala tawqif wal ibadat mabnaha ala tawqif. Que la ibada, elle est construite sur quoi? Le suivi. Elle est basée sur le suivi. Qala wal ittiba' la ala al hawa wal ittida'. Al ibada, elle est soumise à la au suivi et non au suivi des passions ou des ibtida', fi din, les innovations. Et ça, il y en a beaucoup. Qala fal adhiyatu wal azkar an nabawiyya hiya afdal ma yadharra al mutaharri min al dhikr wad du'a. Et il dit les azkar et les du'a an nabawiyya, celles qui ont été évoquées dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ce sont les meilleures invocations et les meilleures adhiya, les meilleurs azkar, yani que on peut évoquer et mentionner. Il n'y a pas meilleur en dehors de cela. Kama qala huwa salawatullahi wa salam alayhi wa akhir hadi hadi Muhammad. La meilleure des guidées, c'est celle du prophète alayhi salatu wassalam. Qala wa salikuha ala sabil al aman wa salama. Et celui qui suit le prophète alayhi salatu wassalam, il a ala aman, il est garanti de ne pas s'égarer. Faman ittaba'a huda fala yadhillu wa la yashqa. Kama qala jalla wa ala. Qala wal fawaid wa nata'ij allati tahsul la yu'abbar anhu lisan wa la tuhidu bihi insan. Et il dit, il y a d'autres fawaid et d'autres profits et privilèges à travers le suivi du prophète sallallahu alayhi wa ma siwaha min al-azkar qad yakuna muharraman wa qad yakuna makruhan. Et tout ce qui est en dehors de cela, des azkar qui ne sont pas venus dans la sunna, elles peuvent être muharrama. Il se peut que tu dis une chose sans savoir et en vérité c'est haram. Tu évoques une chose, tu penses que c'est un bon dhikr, tu n'as pas voulu suivre, ça peut t'amener vers un haram. وقد يكون مكروها détestable auprès d'Allah. وقد يكون فيه شرك ولا يخفى عليكم قول الصحابي ما شاء الله وشئت. Il ignorait que ceci était du shirk. فإنسان يعني plus il va être distant de la sunna et plus il va se mettre en danger. وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس. Sans savoir. قال وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على صلوات الخمس. Et dit, n'incombe à personne de légiférer des azkar et des adhiya qui ne sont pas venus à travers la sunna et d'en faire une ibada dans lesquelles il y a une ibada comme le salawat al-khams, une ibada dans laquelle il va être assidu. قال بل هذا ابتداع الدين. Ceci est une innovation dans la religion, le fait de légiférer des ibada et d'être assidu à ces ibada et délaisser les ibada, plutôt que ceux de dhikr qui est évoqué dans la sunna. Il se fait des propres rappels et il ne prend pas les rappels qui sont venus dans la sunna. قال بل هو ابتداع الدين لم يأذن الله بي. Qu'Allah عز وجل n'a pas légiféré. بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله الإنسان سنة. Tandis que celui qui, de temps en temps, il rajoute, ou plutôt il invoque Allah Azza wa Jal par des invocations qui sont propres à lui, il dit s'il fait ça de temps en temps, ala la basbihi. Il dit ça, il n'y a pas de problème. Lakin, tout le temps, il s'en écarte de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Fait ça, il dit ça, c'est min al-bida. C'est pour ça que le fait d'utiliser ce genre de kitab-là, afin de se limiter à ce qu'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, ça c'est salam, ça domaine. Si jamais on n'étudie pas ce genre de kitab-là, comment on va savoir ce qu'il a dit le matin, le soir, ce qu'il disait quand il sortait de chez lui, quand il rentrait chez lui, comment on va savoir? On va peut-être inventer des choses nous-mêmes qu'on pense que ça fait partie du din, que c'est mustahsan, qu'Allah il aime, en vérité il déteste cela. Ibtida'u fi din. Zayyin lahu amala. Ses œuvres lui ont été embellies. Na'am. Qala wa amma ittikhadhu wardin ghayri shar'i. واستنان ذكر غير شرعي قال فهذا مما ينهى عنه. Et le dhikr qu'il invoque lui-même, c'est un peu la même parole qu'il vient de dire. قال c'est une chose qui est interdite. قال ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية أو غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العليا لا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل. Et il dit, dans le suivi du prophète, dans ce qu'il a pu évoquer comme adhiya et comme adhkar, il y a une suffisance. وقال سبحانه وتعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فالدين كفاية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. La religion, le suivi qui est agréé, c'est celui par lequel est venu le prophète عليه الصلاة والسلام. كما قلت يعني dans certaines des محاضرات, la personne qui s'invente des propres rappels, des propres adhkar, t'as fini حسن المسلم avant d'inventer des choses, on dirait que c'est pas assez ce qu'il y a dans ces livrets-là, c'est pas assez. Il en veut plus. Prends le kitab al-Adhkar, même Nawawi, al-Bukhari, wa Muslim, il y a des kutub, Amal al-Layl wa al-Layla, Ibn Sini, wa kadalika al-Nasai, on dirait qu'il a mémorisé la sunna, il en veut plus. Là, ça c'est la suffisance. Ce qu'il y a dans la sunna, c'est la suffisance. Qala al-Adhkar al-Shari'iyya wa al-Adhi'iyya, al-Shari'iyya, ghayatul matalib al-Sahiha. Ce que tu recherches auprès d'Allah Azza wa Jal, tu vas les retrouver à travers les adhiyas du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qui était afsah al-nas et qui était celui dont les doigts étaient mustajabah. Qala wa nihayatul maqasid al-ulya, c'est un peu dans le sens, c'est l'objectif. L'objectif que tu cherches, tu vas le retrouver à travers le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, toute personne qui s'en détourne, c'est-à-dire totalement, et qui s'invente des askars, quand là, il ne peut être soit un jahil qui n'étudie pas, donc étudier c'est important, parce qu'on peut rentrer dans ce genre de problème, ou mufarrid, qui est négligent, quand là, ou mutahaddi, transgresseur, il en veut plus, yata'adda. Fahada, kullu dhalika mazmum, on se doit de se limiter. Celui qui se limite à ce qui est venu, il est fi salam, kama qala subhanahu wa ta'ala. Fala yadil, il ne sera pas égaré fi dunya wa la yashqa fi al-akhirah. Tu veux as-sa'ada, tu veux la félicité, tu veux la guider, aller à travers le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tabarak wa ta'ala, on va laisser place inshallah notre frère pour son cours et on va poursuivre inshallah l'autre condition qui est at-tadarru' wal khufya. Ala la budda min, on se doit, on peut pas venir, on ouvre le kitab, ce qu'on dit le matin, on ne sait pas qu'il faut une mutaba, on ne sait pas qu'il faut des khlas, on ne sait pas qu'il faut de la modestie, qu'il faut de l'humiliation, qu'il faut de l'humilité, je veux dire, qu'il faut du désir lorsqu'on on implore Allah et Azza wa Jalla. On se doit de connaître ces choses-là. Ces choses-là précèdent le rappel. Afin qu'on se conforme au rappel qu'Allah Azza wa Jalla, il agrée. Comme on a dit, le but c'est qu'Allah t'agrée. Et non que toi tu l'agrées. Qu'Allah, il subhanahu wa ta'ala, t'agrée. Adha Allah. Inch'Allah, naktafi bidalik al-qadr, wa nas'al Allah Azza wa Jalla لنا ولكم التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم استغفرك واتوب إليك